Les fresques en mosaïque représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont érigées dans diverses unités d'activité de la province du Pyongan du Nord. On a construit à la commune de Chungdeol, de l'arrondissement de Pyeon, une fresque en mosaïque représentant le président Kim Il-sung qui visite l'école normale supérieure de Pyongyang d'alors, au temps de la dure guerre. On a construit également à la mine de Sunchon et à la centrale numéro 2 de Taechon, les fresques en mosaïque représentant majestueusement les grands leaders qui bénissent l'avenir radieux de la Corée du Sungun en Mongbaekdu, mont sacré de la révolution. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.